petite rameuse, trop cramée, il faut que t'arrêtes. Elle tire pas la tête, 2 grammes, elle part faire la fête. Sur la croisette, tout pété dans l'Audi break. C'est une petite ramjet, mais tous à ses pieds sont les mecs. Elle dit qu'elle a son équipe, s'échange tous les jours ses potes. Elle aime trop le fric, elle laisse sa maman sur le côte. Elle fait la folle des fois la hlèle. Un jour c'est tard, un jour à l'hôtel. 300 appels, elle fout le bordel. C'est une petite ramjet, mais elle s'en sorcelle. Personne te dit arrête, tu finis seul dans ta mère.